Les baladeuses. Whenever we see a new sight or feel a new sensation, est-ce que vous aimez voyager? Oui, mais pas pour la même raison que les autres. Dans la forêt de sons où nous évoluons aveuglément chaque jour, on trouve parfois d'étranges créatures à la beauté diaphane, à la voix ensorceleuse. Laissez-vous prendre par leur étrange mélopée, elles vont vous emmener en dehors des sentiers battus. Ce sont les baladeuses, le quatrième mercredi de chaque mois, de 10h à 11h30 quand tout va bien sur Radio Dio. Aujourd'hui, 26 février, nous sommes en retard, monde de fous oblige, mais nous nous baladerons quand même dans un monde renversé, un monde carnavalesque, où Sophia prend toujours sa douche mais fait très attention à sa consommation d'eau, où nos danses radioguidées viendront encore réveiller nos sens et où le deuxième épisode de notre feuilleton « Je n'en ai pas fini » viendra clore cette émission, parce que de toute façon, on ne sait jamais comment finir. Aujourd'hui aussi, une chronique de Juliette sur le poète Bakhtine, un micro de Sophia sur le carnaval, la lecture du plâtrier siffleur de Monsieur Bobin et moult pépites des baladeuses. Aujourd'hui, on ne veut toujours pas des fleurs, on veut tout cramer, ça oui. On voudrait plus de justice sociale et de pouvoir, et pouvoir se chauffer décemment. On voudrait la paix dans un monde sans fascisme. Les baladeuses, elles aimeraient bien des choses, ça oui, mais en toute humilité, elles vous offrent ce matin une petite bulle sensible dans ce monde de brut où, pour le dire avec les mots du chorégraphe Dave Saint-Pierre, un peu de tendresse, bordel de merde. Et pour continuer, pour aller dans ton sens, eh bien, s'il y a une chose qu'on s'était dite et qu'il fallait que je m'y tienne, c'était à part être à l'heure, on s'était dit aussi que je n'allais pas commencer mes rubriques par ma rubrique d'aujourd'hui va nous parler de... On s'est dit, pas plus tard que l'autre fois, qu'il ne fallait pas dire ça. C'est même moi qui l'ai dit, hein, n'est-ce pas, Julie, je crois, hein. Tu te souviens de ça? Oui, tout à fait, tout à fait. On avait pris des résolutions, voilà. Voilà. Et donc, en fait, c'est bien pour ça que je ne vais pas commencer ma rubrique d'aujourd'hui par ma rubrique d'aujourd'hui va nous parler de nanana nanana. Mais par une formule dont je suis assez fier, là, que j'ai trouvée. Je vais commencer par cette formule. Pour ma rubrique d'aujourd'hui, j'ai été voir ma voisine pour qu'elle me parle du thème d'aujourd'hui. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est carnaval. Et c'est justement parce que le thème d'aujourd'hui, c'est carnaval, que je bouscule les règles et que je fais ce que j'ai pas dit et que je dis pas ce que je fais. un peu comme le dirait ou le ferait un homme politique. Et c'est pourquoi je vais laisser, alors si j'arrive à mettre le truc en marche, mais normalement je vais donner la parole à Samila qui va nous parler du carnaval, si cette fenêtre veut bien se fermer. On a un ordinateur qui marche à 2 à l'heure aujourd'hui, c'est assez terrible. Mais voilà, c'est parti. Carnaval de Nice, carnaval de Menton, carnaval d'Oux. Il y a plusieurs carnavals. C'est festif. Moi, personnellement, je n'ai jamais participé à un carnaval. Je n'ai jamais été, donc je ne peux pas en parler. Mais d'après ce que je vois à la télé, c'est une parade. C'est plusieurs personnes qui se déguisent, plusieurs personnes qui rigolent, qui s'amusent. Voilà, c'est festif. Voilà. Il faut qu'on ait dans la parade, on se laisse entraîner. Je pense que si j'arrivais à rentrer dans une parade, je serais autant folle que là. Je serais excitée, complètement excitée de voir tous ces déguisements, tous ces personnages autour de moi. Ça aurait été très bien, oui. Peut-être qu'un jour j'irai, pourquoi pas, qui sait. Il faut jamais dire non. Il ne faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas ton eau. Peut-être qu'un jour, j'aurai l'occasion d'y aller. À ce moment-là, je reviendrai sur une émission et puis je vous expliquerai exactement ce que c'est le carnaval. Je me suis déguisée, non, jamais. En étant petite, non, je ne me déguisais pas, non. Ma fille, par contre, j'ai déguisé. Alors là, ma fille, à chaque carnaval, j'ai acheté un déguisement. Mais moi, mes parents, ils n'étaient pas trop dans cette optique-là. Pour eux, ce n'était pas important. Tant qu'on était habillés, bien propres, voilà. Déguisement, non, on n'avait pas de déguisement, non. Non, j'ai jamais été déguisée, non. Voilà, malheureusement. J'aimais bien être habillée comme un garçon, par contre. J'étais garçon banquier, ça c'est sûr. J'aimais bien les pulls larges, j'aimais bien les pantalons très serrés. Par contre, je m'habillais pas en basket. Je me mettais beaucoup en talons. Jamais je mettais de basket. Basket, pour moi, ça aurait été un déguisement, là, oui. Parce que j'aimais trop être féminine. Donc, si je me serais déguisée, je me serais déguisée en princesse, en Cléopâtre. Pourquoi pas, oui, Cléopâtre. Tiens, ça serait pas mal, Cléopâtre. Sinon, en Jane, Tarzan et Jane, la guerrière. Ou sinon, je sais pas. Tiens, ça serait une bonne question. Je sais pas, en quoi. Ah, ça y est, Esmeralda. Esmeralda est très belle aussi. Le bossu d'Notre-Dame, avec Quasimodo. Un carnaval, bien sûr, dans la cour des miracles. Mais je pourrais être un autre personnage. Me mélanger dans la foule, invisible, méconnaissable. Comme ça, je pourrais faire ce que je veux. Rigoler, pleurer, danser, chanter, sans être reconnue. La mystérieuse personne au milieu de nous. Voilà ce que je serais. Casser un commissariat de police ? Non, je plaisante. Je ne sais pas. Mais non, mais si, Samila, mais si, bien sûr que si, tu peux aller casser un commissariat, il n'y a pas de problème. Quand c'est carnaval, on renverse les valeurs, on se moque de l'autorité, on a le droit de faire cela, tout ce qui est interdit est permis quand c'est carnaval. Et donc, c'est un témoignage qui donne, même si elle n'a jamais participé, elle donne vraiment tout l'essence en fait, de ce qu'est le carnaval, c'est-à-dire une communion avec d'autres gens qui sont invisibles, déguisés, des personnages qui bougent dans tous les sens, et un caractère festif, un caractère de dépersonnalisation. On change de personnage, on est anonyme pour éprouver un vent de liberté. Les baladeurs. Qu'on puisse enfin se déguiser. Comme l'année passée, on va avoir un tas d'idées. Des marquises, des fées, des cow-boys, des plombiers, des douzaines d'infirmières et 53 sapeurs-pompiers. Des plumes à l'observer à ceux qui auraient pu mieux faire. On prépare la soirée dans une ambiance du tonnerre. Il y a toujours un malin pour se déguiser en mouche, en cuvette de WC ou en escargot qui louche. Cela faut qu'ils expliquent car c'est pas très évident aux amis étonnés l'idée de leur déguisement. Au cours de la soirée, on tombe souvent nez à nez avec un faux Coluche qui essaye de vous faire marrer. Il y a toujours un public pour ce genre de rigolo qui s'étrangle de rire en s'empiffrant de petits gâteaux. Un petit canapé, un groupe de gens pas déguisés prétend avec fierté qu'ils n'aiment pas ces festivités. N'empêche qu'ils sont partout, faisant chaque fois acte de présence. C'est les mieux déguisés dans leur tenue de suffisance. On apporte le dessert, faut éteindre toutes les lumières, car en plus aujourd'hui on célèbre un anniversaire. En soufflant les bougies, on fait voler le sucre glace qu'un genre d'Henri Guibet va recevoir en pleine face. La fête est finie, il reste toujours quelques amis, plein de bonne volonté pour vous aider à nettoyer. Il faut se dépêcher car demain on va au boulot. Samedi tout le monde revient pour la super soirée diapo. Vivement mardi gras qu'on puisse enfin se déguiser. Comme l'année passée, on va avoir un tas d'idées. Des marquises, des fées, des cow-boys, des pompiers, des douzaines d'infirmières et 53 sapeurs-pompiers. Des plumes à l'observer à ceux qui auraient pu mieux faire. On prépare la soirée dans une ambiance du tonnerre. On prépare la soirée dans une ambiance du tonnerre. On prépare la soirée dans une ambiance du tonnerre. T'as pas vu ma baladeuse ? Baladeuse ? C'est le quatrième mercredi du mois, de 10h à 11h30. Vous êtes sur les baladeuses. On est toujours en compagnie de Julie et de Sophia au micro à l'instant. On est toujours sans dessus dessous. Sans dessous, pas encore, mais ça va venir. Sans dessus, ça c'est certain pour l'instant parce que je bataille avec les ordinateurs, avec les trucs pour trouver les bons fichiers, alors que j'avais tout bien réglé avant de commencer. Mais c'est ça aussi, les émissions, les baladeuses, on se balade, on vous balade. On essaie de s'y retrouver comme on peut. Et si je suis ma jolie playlist que j'avais bien faite dès le début, nous allons maintenant écouter Juliette qui n'est pas là parce qu'elle est partie à Capaculco. Capaculco, oui, c'est un autre pays, un pays imaginaire où on est tout le temps allongé sur le dos, un cocktail à la main et des nymphes qui vous éventent le soir d'été comme il fait chaud, parce qu'à Capaculco, il fait toujours plus chaud qu'ici. Alors, Juliette, qu'est-ce que tu as à nous dire sur le carnaval ? Il y a toujours un ou une absente qui s'invite dans l'émission des baladeuses. Aujourd'hui, c'est Mikhail Bakhtin que l'on accueille. Bonjour. Mikhail Bakhtin, vous êtes un théoricien de la littérature russe et vous avez révolutionné les études sur le roman en créant, entre autres, le concept de carnavalesque. Dans les années 20, vous participez à la vie culturelle de Leningrad. Et c'est l'ébullition. Pendant ces quelques années, dans tous les domaines, sciences dures, sciences humaines, poésie, peinture, théâtre, cinéma, vous fréquentez ceux qu'on a appelés les formalistes. Ce sont des critiques littéraires, des écrivains, des linguistes, qui ont inventé une méthode d'analyse plus près du texte et de sa structure. On y retrouve Roman Jakobson, le linguiste, mais aussi les poètes Mayakovsky et Khlebnikov. Camarade. Vous étudiez la littérature, puis vous l'enseignez. Vous publiez votre premier livre, Problème de la poétique de Dostoïevski, en 1929. Puis d'autres titres suivent, car vous vous intéressez à tout. À la psychanalyse, à l'éthique, à la sociolinguistique, que vous intégrez aux études sur la littérature. Mais sur l'ébullition artistique, scientifique, politique, tombe un couvercle sans appel. L'arrivée de Staline à la tête du parti. Et ce n'est plus un tournant, mais un méchant virage qui est pris dans toute l'Union soviétique, où des millions de personnes deviennent du jour au lendemain subversives et sont assassinées ou déportées. Vous voilà déporté au Kazakhstan. Six ans plus tard, et une jambe en moins, vous retravaillez à l'Institut de littérature mondiale à Moscou, mais sans plus jamais être publié. 30 ans de silence. Il faudra attendre les années 60 pour que vos travaux soient de nouveau publiés par l'Union soviétique. Et dans les années 70, les premières traductions arrivent en France grâce aux théoriciens de la littérature Tsvetan Todorov et Julia Kristeva. En plein milieu de ce qui a été appelé plus tard la French Theory, Roland Barthes, Michel Foucault, dont le courant principal se nommait structuralisme. Une analyse marxiste de la littérature, ou plutôt une vision de la création littéraire romanesque avec des outils d'analyse marxiste. Voilà qui était follement intéressant pour les structuralistes français. Vous avez créé plusieurs notions qui ont une fécondité incroyable. Je pense par exemple à celle de dialogisme. Le dialogue est la seule sphère possible de la vie du langage. Ou encore, deux voix sont le minimum de la vie, le minimum de l'être. Et puis, cette notion de carnavalesque que vous identifiez à l'œuvre dans les romans de Rabelais. Il a été redécouvert par les romantiques qui lui ont attribué la place historique qu'il occupe avec Dante, Boccace, Shakespeare et Cervantes. Mais les romantiques ne sont pas allés assez loin, selon vous, parce que Rabelais a rebuté. Et rebute encore par ses grossièretés et ses vulgarités. Alors que son œuvre met en lumière la culture comique populaire vieille de plusieurs milliers d'années, dont il s'est fait le porte-parole. Le peuple qui rit sur la place publique. Les spécialistes de l'histoire littéraire ne l'ont pas vraiment considéré comme un objet digne d'étude. Pourtant, l'ampleur et l'importance de la culture comique populaire étaient considérables au Moyen-Âge. Et cela dans tous les pays d'Europe. Une seconde. Fermez les yeux. Imaginez à quoi pouvait ressembler un jour de carnaval à Rotterdam, à Brighton, à Rouen. Mais on pense qu'en réalité, mis bout à bout, les réjouissances carnavalesques représentaient environ 3 mois de l'année. Les spectateurs n'assistent pas au carnaval, ils le vivent tous. Il est fait pour l'ensemble du peuple. Pendant toute la durée du carnaval, personne ne connaît d'autre vie que celle du carnaval. On ne peut vivre que conformément à ses lois, c'est-à-dire selon les lois de la liberté. Le carnaval, c'est la seconde vie du peuple, basée sur le principe du rire. C'est sa vie de fête qui lui permettrait de pénétrer temporairement dans le royaume utopique de l'universalité, de la liberté, de l'égalité et de l'abondance. Carnavalisquez-vous ! Mikhail Bakhtin, je peux vous appeler Mikhail ? Da, tovarich. Nous allons continuer. J'ai trouvé dans le vagabondage d'une lecture de Ernst Jünger un passage où il relate un séjour en Sardaigne. Il découvre une grotte de berger au bord de l'eau, et entre dans cette grotte plus que sommaire. Il y a un feu mal éteint, les braises sont encore rougeoyantes. Dans un repli de la pierre, il y a une poignée de sel qui a été prise de la mer toute proche, et dans un autre creux, une poignée de fèves. Il est devant les débris, les miettes divines d'un repas très frugal. Et il a cette considération que je trouve très belle. Cette grotte n'est pas dans des temps que nous aurions dépassé à jamais aller devant nous. Non pas que nous soyons tous appelés à vivre dans les cavernes. Cette demeure du berger, cette frugalité, cette sorte de radicalité, veiller à la nourriture la plus élémentaire, veiller sur le feu, avoir non loin la rumeur de la mer et des étoiles, cette intensité presque muette de la vie où la nécessité et la beauté ne font plus qu'un, est quelque chose qui nous manque. Et c'est peut-être ce lien entre la beauté, la simplicité et la frugalité qui va nous ouvrir à l'avenir. Sur le chemin qui me mène à la maison, parfois je trouve des plumes bleutées de jais, comme des éclats d'azur. C'est très petit ce que je fais. J'essaye de recueillir des choses très pauvres, apparemment inutiles, et de les porter dans le langage. Parce que je crois qu'on souffre d'un langage qui est de plus en plus réduit, de plus en plus fonctionnel. Nous avons rendu le monde étranger à nous-mêmes, et peut-être que ce qu'on appelle la poésie, c'est juste de réhabiter ce monde et de l'apprivoiser à nouveau. Dans la forêt où je vais souvent me promener, j'ai vu des machines qui, si je puis dire, n'avaient plus rien d'humain. Parce que je crois qu'il y a un temps où les machines industrielles étaient encore humaines. Et là, je me suis trouvée devant une sorte de tracteur, d'arracheur d'arbres. Le conducteur n'était plus que l'esclave de la machine. Le coup porté aux arbres était d'une violence extrême. La mort donnée aux arbres de cette manière est bien plus terrible que celle donnée jadis par la main d'un bûcheron. Cette mort ancienne était fraternelle. Ce qui m'a sidérée, c'est cette avidité, cette brutalité de la technique dans un lieu qui n'est que beauté. Au fond, habiter poétiquement le monde s'oppose à habiter techniquement. On peut le formuler de cette manière aussi abrupte. Emily Dickinson pourrait être une des figures exemplaires d'une manière d'habiter poétiquement le monde. Son espace était très étroit. C'était le jardin de son père, la maison de son père, et à la fin de sa vie, ça n'a plus été que sa chambre où elle ne recevait pas. Même le médecin restait sur le seuil et donnait son avis de loin en voyant la malade allongée sur son lit. Elle habitait dans un espace qui s'est resserré de plus en plus. En même temps, la charge de ses poèmes était de plus en plus grande, leur densité solaire de plus en plus haute. On peut dire aussi que spirituellement, c'est une jeune femme qui a passé sa vie à l'intérieur d'une clochette de muguet. L'infime, le minuscule, le passage muet et très fragile de la vie, c'était ce qu'elle habitait par la contemplation. Je crois qu'habiter poétiquement le monde, c'est l'habiter aussi et d'abord en contemplatif. Contempler est une manière de prendre soin. C'est casser tout ce qui en nous ressemble à une avidité, mais aussi à une attente ou à un projet. Regarder et s'émouvoir de l'absence de différence entre ce qui est en face et nous. J'ai là, sous les yeux, dans cette forêt, quelque chose qui est beaucoup plus riche que tout ce qu'un musée ne pourra jamais s'offrir. Dans l'ordre, un peu de mousse, un peu plus loin des ronces, une fougère que le soleil traverse comme un vitrail. Cette fougère est sainte par sa mortalité, par sa fragilité, par le fait qu'elle va connaître le dépérissement. Que faire de mieux que de saluer ceux qui sont dans le passage avec nous ? Ce serait beau de bâtir toute une conversation autour de cette fougère. Le monde est rempli de visions qui attendent des yeux. Des présences sont là, mais ce qui manque, ce sont nos yeux. Qui la voit, cette petite fougère prise dans une branche épineuse ? Le vent la connaît, le vent lui parle. Les baladeuses. Ils arpentaient les rues et campaient sur les places, chargés d'objets obscurs, de graines ou bien de vent, proposant tout ou rien et de bien peu vivant, leur grand cri appâtant la veine populace. Ils arpentaient les rues et campaient sur les places. Oh, combien je regrette leur voix et leur musique, leurs mains escamotant les piécettes d'argent pour service rendu à quelques bonnes gens et leur air de se foutre de la chose publique. Oh, combien je regrette leur voix et leur musique. Que sont donc devenus la remailleuse de bar, le crieur de journaux et la loueuse de chaises? Où donc se sont perdus la cardeuse de matelas? Christian Bobin, Le Plâtrier Siffleur, la suite. Je ne pense pas que la nature connaisse la solitude terrible dans laquelle nous pouvons nous trouver. Je suis parfois soufflée par la conversation incessante du pré qui fait face à la fenêtre devant laquelle j'écris. Je regarde, je n'entends rien, la fenêtre est fermée, et quand bien même serait-elle ouverte, aucune rumeur ne me parviendrait. Mais je vois très bien l'agitation des brins. Ils sont comme huilés par la lumière. Si j'avais le talent de regarder à fond, un talent qui me manque trop souvent, je verrais, parce que je le sens, que chaque brin est différent du brin voisin. Ils sont sans arrêt pris dans un événement, dans l'événement de la brise, de la pluie, dans l'événement des lumières qui vont, qui viennent, qui s'affairent, on ne sait trop à quoi, du jour qui s'en va, du froid qui remonte de la terre. Est-ce qu'il y aura encore un autre jour ? Le pré est rempli de mille questions qui sont sans impatience d'une réponse. Quand j'écris avec la vision de ce pré, je suis devant le plus grand concurrent qui soit. Je suis devant un maître écrivain, un des plus grands poètes qui n'a pas de nom, pas de visage, mais qui travaille jour et nuit. Il est possible que par l'attention aux choses menues, très simples, très pauvres, je trouve peut-être ma place dans ce monde. Il y a quelque chose de la suave tyrannie des techniques qui commence à être défaite dans un instant de contemplation pure qui ne demande rien, qui ne cherche rien, pas même une page d'écriture. La plupart du temps, je regarde, je ne note pas, je n'écris pas. La contemplation est ce qui menace le plus, et de manière très drôle, la technique hyper puissante. Et pour une raison très simple, c'est que les techniques nous facilitent la vie apparemment. Mais c'est un dogme aujourd'hui qu'on ait la vie facilitée, pour reprendre la parole de Gilles Dattas. Qui a dit que la vie devait être facile et pratique? Est-ce qu'aimer est pratique? Est-ce que souffrir, est-ce qu'espérer est c'est pratique? La technique nous éloigne de ces choses-là et fait grandir une lèpre d'irréel qui envahit silencieusement le monde. La contemplation, ce qu'on appelle la poésie, c'est le contraire précisément. C'est le contraire même de ce qu'on entend trop souvent par poésie. Ce n'est pas une décoration, ce n'est pas une joliesse, ce n'est pas quelque chose d'esthétique, c'est comme mettre sa main sur la pointe la plus fine du réel, et en le nommant, de le faire advenir. Le réel est du côté de la poésie, et la poésie est du côté du réel. Les contemplatifs, quels qu'ils soient, peuvent être des poètes connus comme tels, mais ça peut être aussi un plâtrier en train de siffler comme un merle dans une pièce vide, ou une jeune femme qui pense à autre chose tout en repassant son linge. Les instants de contemplation sont des instants de grand répit pour le monde, car c'est dans ces instants-là que le réel n'a plus peur d'arriver à nous. Il n'y a plus rien de bruyant dans nos cœurs ou dans nos têtes. Les choses, les animaux, les fantômes qui sont très réels, tout ce qui est de l'ordre du vivant se rapproche de nous et vient trouver son nom, vient mendier son nom. Habiter poétiquement, ce serait peut-être d'abord regarder en paix, sans intention de prendre, sans chercher même une consolation, sans rien chercher. Regarder presque avec cette attention flottante dont parlent les psychanalystes. Avoir une sorte de présence diaphane au monde. Et je pense qu'à ce moment, quelque chose du monde s'ouvre comme une amande. On comprend ce dont il s'agit lorsqu'il est question de vivre. On le comprend sans mots et sans même peut-être pouvoir le dire. Le plâtrier, la femme à son ménage ou le poète à son poème, chacun construisant quelque chose de très réel, de très éphémère, ne sont pas les maîtres de ce qu'ils voient. Dans cette lutte incessante que constitue le monde dit moderne, les contemplatifs sont les guerriers les plus résistants. Ce sont eux peut-être qui pourront nous tirer d'affaire. Il faut juste que chacun se remette à faire ce qu'il a à faire de la façon la plus simple. Les poèmes du boulanger, ce sont des pains. Prendre conscience de l'extrême fragilité de cette vie, dont le tissu est très riche et qu'à rien peut déchirer. Chacun de nos gestes, chacune de nos journées peut, sans chercher l'extraordinaire, le spectaculaire, empêcher le monde de rouler aux abîmes. Simone Veil dit que le but de la vie est de construire une architecture dans l'âme. Je serais assez d'accord avec cela. Il y a des gens qui amènent la destruction et d'autres qui veulent rétablir, soigner, restaurer. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a un homme qui ne se soucie pas explicitement de la guerre, c'est Matisse. Il entre dans une période de grande simplicité, de la peinture et des couleurs. Il rejoint la source enfantine de la peinture. Je crois que cet homme-là, par son travail, parce qu'un des effets de la peinture est de nous prendre le cœur et de le laver, a résisté contre le monde enténébré aussi bien que ceux qui prenaient les armes. J'arrête tout. Je vais écouter les baladeuses sur Radio Dio 89.5. Je ne sors pas, je veux pas me retrouver dans un bois traîné par un fou sanguinaire qui voudrait me couper les doigts. J'ai lu des histoires comme ça. L'autre soir en sortant de chez le docteur, qui d'ailleurs me connaît par cœur, tout à coup je sens derrière moi un homme que je ne connais pas. Ça y est, cette fois c'est pour moi. Ça c'est fini chez le psychiatre, pour ne plus me laisser abattre. Il m'a dit que sortir c'est bien, au lieu de regarder TF1, qui nous font flipper pour rien. En plus il m'a donné des cachets, depuis j'ai retrouvé la paix. J'en ai des roses, des verts, des blancs, et toujours deux entre les dents. Ça quotidien. Je souffre sans douleur. Je ne rêve plus, mais ça fait rien. Et même si je n'y plus, très bien. Ça va comme ça et c'est très bien. Aujourd'hui, je ne suis plus la même. J'ai mes produits, j'ai plus de problèmes. Plus rien à foutre des canards qui me tiennent la jambe tout plein de haine. Franchement, mes cons comme des baleines. L'ennui, c'est que je ne dors plus sombre. Quand j'en ai plus, je suis à cran. Je crie, je fouille tous les placards. J'appelle le docteur et j'attends. Allô? Bonjour, monsieur le pharmacien. Je vous la porterai demain. L'ordonnance était dans mon sac. C'est à cause de tous ces vauriens. Allez, voleurs, ils sont malins. Vous pouvez pas me laisser comme ça. Christian Bobin, Le Plâtrier Siffleur, aux éditions Poésis, 2018. Habiter poétiquement un monde malheureux, c'est très difficile, mais c'est faisable. Et c'est d'autant plus nécessaire que le monde se perd, s'abîme, se déchire. C'est d'autant plus nécessaire que s'ouvrent ici ou là des puits de lumière. Ce n'est pas l'apanage de ceux qu'on appelle les artistes. C'est une mère qui remet l'ourlet du drap au bord du visage de son enfant endormi, et c'est comme si elle prenait soin de toute la voie étoilée. À la même seconde, le geste de cette mère se double. De la même main, elle couvre son enfant pour qu'il n'ait pas froid et apaise tout le noir qu'il y a entre les étoiles dans le ciel. Ce geste est tellement simple qu'il a des résonances infinies. Je crois qu'au fond, c'est ça la poésie, c'est juste un art de la vie. Cette femme est poète à son propre insu. Il n'y a que les poètes qui prennent le monde au sérieux, ceux qui ont réputation d'être distraits, étourdis, de ne pas mesurer les choses, de ne pas en connaître la pesanteur. Ce sont eux seuls qui connaissent la pesanteur, le drame des choses et aussi ce qu'elles contiennent de lumière. Ce sont les seuls voyants et les seuls respirants dans ce monde. Je parle d'une petite tribu dispersée et qui n'est pas faite que de gens qui écrivent ou qui peignent, esthètes ou artistes. Il s'agit juste d'une manière humaine d'habiter le monde. Parce que dire habiter poétiquement le monde ou habiter humainement le monde, au fond, c'est la même chose. Les bébés sont des grands sages. Le vrai savoir est dans leurs yeux. C'est comme des clous de poésie enfoncés dans un tout petit lit à un bébé. C'est comme un soleil qui serait tombé comme ça, qui nous ferait la grâce d'être tombé juste devant nous et qui dormirait dans la pièce d'à côté. C'est le visage même de la sagesse qui n'est pas un visage de savoir. Je comprends qu'on ait représenté le Bouddha sous les formes toutes gélatineuses de bébés. Ils ont plusieurs vertus, ces gens qui ont très peu de jours. Une de leurs grandes vertus est de ne pas être aveuglés par un savoir. Ils regardent sans morale, sans philosophie, sans religion, sans aucune précaution. Il n'y a aucune distance entre leurs yeux et Dieu, ou les anges, ou les atomes de l'air si l'on ne croit pas en Dieu ou aux anges. Les bébés sont à une cloison de papier de riz de la vérité. Je pense que le monde est aujourd'hui plus carnassier. Les croisades, les guerres de religion ont été rudes, violentes même, mais leur violence restait encore de vis-à-vis, si je puis dire, humaine. Je vois par moments comme une disparition de l'humain sur les visages. Je vois sur les chairs, sur les traits, quelque chose qui passe, qui a moins de lumière. Je pense qu'on a fait du mal à la vie. C'est comme si on avait boxé Dieu. Il peut encaisser beaucoup de coups, mais il y a un moment où il risque de descendre du ring. Il y a quelque chose de la vie qui ne disparaît pas, mais qui s'éloigne. Simplement qui s'éloigne, pour un temps, comme un enfant qui a eu trop de mauvais traitements va éviter de se trouver en présence des parents maltraitants. La nature, la vérité, la beauté, la douceur, la lenteur qui ont été mises à mal ont juste reculé et deviennent un peu plus difficiles à saisir, à vivre. Trop de mal a été fait, mais ce n'est pas irréversible. Je ne crois pas à l'irréversible. Je reste très confiant et le serai toujours. L'humain dans son fond est invincible, ineffaçable. On reviendra aux choses vivantes et vraies. Mais pour ça, il faudrait que le point de lassitude extrême soit atteint. Il faudrait qu'on ne puisse pas faire autrement. L'homme n'est pas plus mauvais aujourd'hui qu'hier, il est seulement plus perdu. Il semblerait que la nuit doive s'épaissir encore un peu plus pour qu'on puisse apercevoir quelques étoiles. Après, on verra les étoiles par contraste. Il faut que le noir s'accentue encore pour que les premières étoiles, les premières, ça veut dire qu'il y en aura d'autres, apparaissent. Il est possible qu'une catastrophe économique soit une grâce, une chance. Ça nous dessoulera, ça nous sortira d'une ivresse, de l'irréel, de l'avidité, de la consommation. Mais on n'y est pas encore. Un penseur japonais, maître Dogen, sage, religieux et philosophe, dit que l'univers entier est la pensée des fleurs. Une parole comme celle-ci, on ne peut la pousser plus loin parce qu'elle casserait. C'est comme un bois qui serait tellement fin que si on essayait de l'affiner un peu plus, on casserait son fil et on le briserait. C'est peut-être ça d'ailleurs la vertu de la poésie, tendre le langage au maximum. Mais il y a un moment où chacun est obligé de comprendre d'une manière que par la compréhension analytique. Il faut peut-être comprendre par l'arrière de la tête, ou par les yeux, ou par l'enfant qu'on était, mais surtout ne pas comprendre par l'adulte qu'on se croit tenu d'être. Il me semble que la poésie est comme une explication, mais qui n'explique rien. Elle est comme une science, elle est la seule science qui ne maltraite pas son objet, peut-être parce qu'elle ne le traite pas en objet, justement. La poésie entre dans le monde comme une maison amie, elle révèle l'objet, elle l'amène à se révéler, elle ne le force pas. Le grand reproche que je ferai à la science et aux technologies, c'est sous ses manières suaves de passer en force. Il me semble que les choses viennent beaucoup plus aisément à nous si nous leur accordons le temps qu'elles demandent. Par exemple, je trouve terribles ces films qui montrent en accéléré les fleurs qui se déploient. J'irai jusqu'à penser qu'on ne devrait pas nous montrer ce que notre œil ne voit pas. La technique brise un interdit et peut-être fait du mal à quelque chose qui est sacré dans la vie. Après tout, mes yeux me suffisent pour voir le papillon. Je n'ai pas besoin qu'on me le montre. Qui l'accompagne? Benny B, B-E-2-N-Y-B. Mon nom à moi c'est Benny B, oui tu l'as deviné. Comme toi je veux la justice, j'essaie de défendre mes droits. Partout où tu vois la poule, c'est qu'on parle de moi. Je descends des quartiers, soi-disant mal fréquenté, où la PJ est passée trois quarts de la journée. Mais j'en ai marre de tout ça, j'en ai marre de cette vie-là. Et pour sortir de cette impasse, je ferai n'importe quoi. Mais vous êtes fous. Oh oui. Mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous. Oh oui. Mais vous êtes fous. Quand je vois dans la rue tous ces jeunes qui errent, qui restent là à ne rien foutre, moi je crie colère. Car tous ces façons ne savent pas qu'il reste encore une chance. Sinon nous rien à cirer, pour eux ça n'a pas d'importance. Mais je ne suis pas comme eux, je veux me défoncer. Je ferai tout ce que je peux pour que ça puisse marcher. Montrer à tous ces bailleurs que le move est fort. Qu'une fois que c'est parti, tu te sens le plus fort. Mais vous êtes fous. Oh oui. Mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous. Oh oui. Mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous. Oh oui. Mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous. Après ce revival Benny B, il est temps que Sophia prenne sa douche. Quoi? Hein? Ah bah Sophia, non, bah, à la douche. Allez. Bah, alors, attends, je me déshabille et j'y vais. Hein, après, Fais attention à l'eau. Hein. Oui, d'accord. Est-ce que je pourrais écouter la radio? Allez, si tu veux. Ah d'accord. Ok, cool. Alors, j'y vais. Avec les jeux de matinale et spéciales qui va se dégager, car oui, nous allons dans une période de beau temps, en tout cas de temps frais. Cet après-midi, nous avons quand même des pluies qui vont traverser la moitié nord. C'est la dernière perturbation. Eh ben voilà, il va faire. Alors, ça c'est génial. La météo, ils sont toujours là à se dire ah bah tiens, demain c'est dommage, il va faire mauvais. On est en hiver et bombe de crétin. Aïe. Aïe. 13 à Marseille, jusqu'à 14 à Bordeaux, comme à Nîmes et Bayonne. Christine Peignan et voici Solène Tresson pour l'info. Alors, c'est quoi les infos? information confirmée par France Info, le narcotrafiquant est donc incarcéré dans l'une des prisons les plus sécurisées de France. Ah, on a enfin arrêté des narcotrafiquants ultra-violents, semeurs de désordre dans la France. Ah oui, les narcotrafiquants, ce sont eux qui sèment le désordre, qui vont ruiner notre cher pays. Ah, guerre à la drogue. Tremblez, drogués, nous allons vous traquer de partout. Ah, mais putain, c'est... Le porte-parole du Rassemblement National, ben voilà, on a qu'à mettre le porte-parole du Rassemblement National pour nous parler de comment qu'il faut aller traquer les fumeurs de drogue jusque partout, parce que c'est vraiment la drogue hein, qui est mal. Absolument pas les ministres qui couvrent des affaires des écoles de tortionnaires et de tortionnaires, de violeurs, etc. Non. Alors là, non. Les établissements où on viole, où on torture les gamins, c'est ça qu'il nous faut à la France. Pas des drogués qui fument de la drogue et qui financent le terrorisme. À savoir une religion qui n'est pas la celle de la France. Hein, parce qu'il faut savoir que la France, oh la France, ce pays où on vit dans la religion catholique et on ne fume pas la drogue. On tape les petits-enfants avant de les violer et après aussi, juste pour l'apprendre, l'ordre. Et l'ordre et la discipline. Ah, ah, ah, comme ça m'énerve. Je crois qu'il n'y a plus d'eau, là. Ah, si. Ah, ouh. Ah, ah, si, je peux enfin me rincer. Ah, je vais être propre. Propre comme la France. Je vais être une Française. Sophia. Propre. Oui, quoi ? Il n'y a plus d'eau chaude dans le cumulus, là. Il faut sortir maintenant. Mais déjà ? Eh oui. Oh, mais non. Allez, chacun son tour, là. Oh, mais non. Et il n'y a pas de petites économies. Hein. Ouais, non, mais j'étais bien là, moi. Ah ouais, mais il faut sortir. Tu finis à l'eau froide. Ouais, bah d'accord. Alors, attends deux secondes. Je me sèche trois minutes là, puis. Parce que, en fait, voilà, qu'est-ce que j'ai fait de ma petite culotte ? Je retrouve pas ma culotte. Non, mais. Dis, Julie, est-ce que tu sais où est-ce que j'ai mis ma petite culotte ? Fais attention à tes vêtements. Ah là là. Aïe, aïe, aïe. Ah, si, ça y est, je l'ai. Ah, et ben... Julie, qu'est-ce que t'as fait de mon soutien-gorge ? Non, mais sérieux, dès que je prends ma douche Radio ici... Radio 2, nous sommes sans dessus-dessous aujourd'hui. Mais oui, La technique ne fonctionne plus. Mais Sophia si, est nue dans les studios. Oui, mais c'est parce que... Non, mais c'est pas juste parce qu'à chaque fois que je prends ma douche ici, il y en a toujours un petit malin là qui vient me piquer mes vêtements. Alors... Qu'est-ce que c'est ? Peut-être on pourrait continuer avec les danses radio guidées, le temps que tu te rhabilles. Qu'est-ce ouais. que t'en penses, Sophie ? Alors attends, je t'emmène au bal. C'est pas mal, non ? T'es toujours là avec moi, hein ? Je suis toujours là avec toi, alors j'ai mis mon plus regarde. Beau costume. Bah oui, t'as vu ? Ouais, alors comment magnifique. Tu t'es habillée là aujourd'hui ? Alors, Sophia a revêtu une robe flamenco rouge avec des petits pois et des petites fleurs magnifiques. T'as vu mes créoles, comme elles sont belles ? De toute beauté. T'as vu ? Bon, c'est carnaval, c'est le thème des baladeuses, vous êtes toujours avec les baladeuses. Normalement, on va revenir à des choses peut-être plus sérieuses, mais non, on va... Donc, avoir on va danser une... Bah oui, on va danser avec toi, Julie. Tu vas nous guider dans une danse, je crois, qui va nous emmener dans le terrier du lapin. Alors, pas tout à fait dans le terrier du lapin, mais sous la terre, en effet. D'accord. Renverser le monde. Et je vous propose d'éprouver un training corporel pour activer l'orogénie, qui est un pouvoir qui vient des personnages, une qualité plutôt, un sixième sens, on pourrait dire, qui est inspiré des romans de science-fiction afro-féministe de Nora Kaira Jemisin, qui s'appelle « Les livres de la terre fracturée ». Et je dédie cette danse à notre amie Juliette, qui sirote ses cocktails. Danse radio-guidée. Je vous invite à vous installer confortablement, peut-être debout sur vos deux appuis. Qui avez survécu ? Respirez. Voilà, encore une fois. Bien. Vous êtes doué. Et même si vous ne l'êtes pas, vous êtes vivant, c'est une victoire. Sécurisons l'expiration tout dépend de l'expiration. Votre survie dépend de l'expiration aussi bien que la qualité de votre inspiration à venir. Dans ce monde où plus aucune certitude ne nous éclaire, la gravité est votre seule sécurité. Immuable gravité qui accueille à l'expiration votre poids. Force qui spirale autour de votre corps, la gravité est ainsi votre premier partenaire de danse. Abandonner le poids du corps à la gravité, c'est faire l'expérience de la danse en même temps que celle de la sécurité du monde, fut-il en train de finir. Ainsi sécurisé, vous vous ancrez un peu plus à chaque expiration. Vous vous détendez et abandonnez la direction des opérations à ma voix. Progressivement, vous sentez la réponse du sol sous vos pieds. Progressivement, vous entrez en relation avec le sol sous vos pieds. Le parquet, le lino, le carrelage, la dalle de béton, les fondations, la terre, les couches successives de terre. Vous vous enfouissez dans la roche environnante où votre flot épouse les courbes et les déformations de l'antique pierre froide. Puis la croûte terrestre et le centre de la terre, le noyau. Voilà, vous vous coulez lentement et tranquillement en direction du noyau. Où que vous soyez, observez ici la petite danse de votre corps minimal et intérieur, les micro-mouvements, les mouvementements de votre corps qui s'ajustent à la gravité pour vous maintenir vertical. Les petites actions des muscles et des tissus autour de votre structure osseuse qui s'organisent en une petite danse, qui dialogue avec la gravité. L'orogénie est une sorte de danse, d'abord à l'intérieur. L'orogénie ne doit pas être considérée en termes d'effort, il s'agit de perspective et de perception. Il suffit de savoir qu'elle est là, de s'entraîner à la distinguer. Progressivement, je vous invite à tomber vers l'intérieur. Laissez-vous envelopper. Acceptez d'arrêter de voir avec quoi que ce soit qui ressemble à des yeux. Le truc, c'est de se laisser tomber, de tomber à la même vitesse et de penser de la même manière qu'une gigantesque colonne de lumière. Tomber encore, mais tomber vers le haut. Tomber vers le haut. Quelque chose s'enclenche, quelque chose d'autre s'ouvre, trop complexe pour que vous le perceviez en totalité, ça vous dépasse trop. Quelque chose se déverse quelque part, friction échauffante. Vous vous retrouvez ailleurs. Vous percevez l'orogénie. Elle ressemble à une rivière avec ses remous, ses tourbillons, son cours au rythme et aux motifs propres à chacun et chacune. D'autres sont plus rapides, plus profondes, plus directes ou plus puissantes. Vous affinez encore votre concentration. Je vous invite à parcourir votre corps, à en faire un scan. Petit à petit, vous distinguez des interstices dans votre substance. Et parmi les globules gélatineux dans les interstices, se trouve cette chose. En mouvement, elle aussi, mais plus lente, moins organique. Une chose qui n'est ni pierre, ni chair. Immatérielle, quoique bien présente, perceptible comme des filaments scintillants insinués entre vos composantes organiques. Une énergie au flux luisant, un potentiel, une intention. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est là la matière de l'orogénie. Pour relier la Terre et nous, il faut ce troisième élément. Cette chose qui nous relie à la terre, cette chose qui nous rend capable de déplacer les montagnes, d'arrêter une avalanche ou de susciter une tempête. C'est ça, l'orogénie. Ça, la magie. Ça n'a pas de sens, ce n'est qu'un mot, mais peut-être arriverez-vous à lui donner un sens. La magie, vous vous répétez intérieurement pour ne pas l'oublier. Vous faites un signe de tête en guise de salutation. La magie, ces filaments argentés tout autour de vous et en vous. Je vous invite à lever les mains pour toucher ces filaments d'argent autour de vous. Les doigts écartés, vous êtes libre de tisser un réseau avec vos propres gestes. C'est votre propre danse qui naît de votre orogénie et de votre magie. Attendez. Attendez. Dans le sol, vous percevez des particules de calcite et de silice. À un moment, il y a de cela des millions de milliards d'années, sans doute la région tout entière disparaissait-elle sous un océan, ou peut-être une mer intérieure. Des générations de vie marine y sont nées, y ont vécu et y sont mortes avant de se déposer au fond de l'eau en couches de plus en plus compactes. Tiens, ne serait-ce pas là une abrasion glaciaire ? Difficile à dire, vous n'êtes pas géologue. Mais vous comprenez brusquement, c'est la vie qui crée la magie. Ce qui vit ou a vécu, y compris ce qui a vécu à une époque si reculée qu'il s'est depuis transformé en quelque chose de totalement différent. Cette compréhension entraîne une modification de votre perception et vous le voyez soudain, le réseau. Un filet argenté couvrant tout le continent, pénétrant la roche et jusqu'au magma qui la porte, reliant les joyaux des forêts, les coraux fossilisés, les mares de pétrole, filigranes portées par le vent, telles les fils d'araignées. Il y en a dans les nuages, peu certes, entre les choses vivantes microscopiques que recèlent les gouttelettes d'eau. Il y en a aussi haut que porte votre perception qui frôle les étoiles même. Vous voilà ainsi suspendu entre le noyau de la terre et les étoiles. Tendu entre ces deux directions, vous vous renforcez. Vous vous sentez plus puissant, fois soutenu et soutenant de tout ce qui vit. Peut-être ces sensations éveillent une résonance émotionnelle, corporelle. Continuez. Suivez les fils. Suivez avec soin les fils d'argent pour en trouver les boucles et les nœuds. Observez leur flux ininterrompu. Vous percevez maintenant tout ce qui est matière entre au-dessus et au-dessous de vous. Suivez les fils. Plus vous vous abandonnez à eux, plus ils vous permettent de voyager dans leur réseau, entre les corps humains, plus qu'humains, entre les montagnes, entre les particules infinitésimales. Peu importe le chemin que vous avez emprunté. Lentement, observez maintenant comme le chemin ramène à vous. Un chemin qui se boucle, une boucle de réciprocité. Vous touchez et vous êtes touché dans le même temps. Ainsi, vous retombez tranquillement à l'intérieur de vous. Vous valuez à nouveau la terre en plongeant votre perception en son cœur, en son noyau et jusqu'aux étoiles. Vous retrouvez le contact sécurisant du sol. La gravité est toujours là, enveloppante. Vous prenez une grande inspiration et vous laissez le monde entrer à l'intérieur de vous. Vous vous laissez construire à l'intérieur par le monde que vous inspirez. Et vous prenez une grande expiration et vous vous laissez agir sur le monde. À vous qui avez survécu. Respirez. Voilà. Encore une fois. Bien, vous êtes doué. Et même si vous ne l'êtes pas, vous êtes vivant, c'est une victoire. Vous pourrez, au moment le plus juste pour vous, ouvrir les yeux et rentrer maintenant en résonance avec le présent. Ici s'achève le premier training de pratique de l'orogénie. Danse radio guidée. We'll be right back. la compagnie donne le ton. Pour la Guinness, dans la tonnerre tambourin, on donne un nouveau refrain. C'est carnaval, on donne un nouveau refrain. C'est carnaval, on donne un nouveau refrain. C'est carnaval. Yeah, yeah. Toulouse, une façon calibari dans les rues, les places, la jeunesse est venue. Bidon, casserole, casselle, siffle, truc, annette, relève le défi. Yeah. Toulouse, une façon calibari, chanteur, musicien de la ville. Prendre sous nos yeux Toulouse pour s'inventer un doux, c'est notre philosophie. Comme le bas et le trio passe, la compagnie donne le ton. Pour les Guinness, dans la tonnerre tambourin, on donne un nouveau refrain. C'est carnaval, on donne un nouveau refrain. C'est carnaval, on donne un nouveau refrain. Bonjour, c'est toujours les baladeuses que vous écoutez sur le 895 de Radio Dio. Et on est en compagnie de Julie, de Sophia là qui est au micro, et Juliette qui parfois va... On va peut-être l'appeler tout à l'heure Juliette, parce que je trouve que c'est pas normal qu'elle soit pas là avec nous, en train de galérer avec la technique et tout, et de faire le carnaval et le son dessus dessous. Hein, appelons-la, appelons-la. Oui, mais je l'appellerai tout à l'heure, promis. Du coup, on va passer au feuilleton, parce que c'est l'heure du feuilleton. Alors, le feuilleton des baladeuses, c'est l'épisode 2. Je n'en ai pas fini avec ma mort, qui avait inauguré un peu notre émission Les Baladeuses, et donc qui continue. Donc, pour vous resituer un peu, il s'agit d'une veillée qui se fait après le décès d'une amie chère de la famille. Et donc, se réunissent la sœur, l'ancien mari. Les amis, la fille. Un amant caché, la fille. L'ex-mari, etc. Et ils installent, c'est la veille de la cérémonie, en fait, et chacun ressasse un peu, pense à ce qu'ils vont dire à la cérémonie le lendemain. Épisode 2 de Je n'en ai pas fini avec ma mort, qui a été enregistré au Choc Théâtre il y a quelques mois. Les dates, vous écoutez à la fin, puisque vous aurez la distribution et le rappel. Un feuilleton de Juliette Bargès. Un feuilleton de Juliette Bargès qui nous écoute depuis Capaculco. Capaculco. Voilà. Alors. Eh bien non, il n'a pas voulu démarrer. C'est incroyable, hein. Alors là, les objets, ils se moquent de moi aujourd'hui, hein, c'est vrai. Hein. C'est incroyable. Allez, c'est reparti. Cette fois-ci, c'est la bonne. Mais c'est pas possible, je vais me faire virer de la radio. Moi. Je n'en ai pas fini avec la mort. Thriller de l'intime. Un texte de Juliette Bargès. Deuxième épisode. Vous êtes là, bouche bée. C'est JP qui vous met dans cet état-là ou c'est moi? Il peut faire son malheureux à nouveau maintenant, il aurait mieux fallu qu'il assure avant que ce soit trop tard. Mais ça, eh ben c'est trop tard, toujours trop tard. Je me suis toujours demandé ce qu'elle avait pu lui trouver. Quand elle l'a enfin quitté, j'étais soulagée. Enfin, elle reprenait sa vie en main. T'auras à peine eu le temps d'en profiter, ma pauvre Maddy. L'ombre de Maddy se détourne aux paroles de Jessie. Bon. C'est pas moi qui vais commencer. On a refait les passages ce soir, ça a discuté sec. JP sort de la maison en trombe. Rosette reste sur le seuil. Jessie rentre. Demain, eh bien demain, je commencerai pas. Toi, qui ne sais rien de l'aventure de ta mort, que seul vaincu par elle, nous avons à vivre sans toi, côte à côte, comme déjà couchés, nous-mêmes dans la tombe. Un extrait d'Ostinato, de Louis-René des Forêts. Ou alors, par celui-là. Naissance et copulation et mort. Ce sont tous les faits qui restent quand vous en venez à l'essentiel. Naissance, copulation et mort. De T.S. Eliot. Mais en route, il a laissé la tendresse. T.S. Eliot, tentative de suicide Eliot. Thomas Stearns Eliot. Mais dans d'autres textes, elle est là, la tendresse. Là, à nos pieds. Qui est le troisième? Qui marche toujours à côté de toi? Quand je compte, il n'y a que toi et moi ensemble. Mais quand je lève les yeux vers la route blanche, il y en a toujours un autre qui marche à tes côtés, glissant, couvert d'une cape brune à capuche. Je ne saurais dire si c'est un homme ou une femme. Qui marche donc à côté de toi, de l'autre côté de toi? Il s'assoit brutalement. Il regarde Léo assis en face. Rosette va se rasseoir à sa place, tandis que l'ombre de Maddy s'assoit à l'extrémité de la table, de dos. Qui marche toujours à côté de toi? Quelle image! J'ai l'impression de sentir une présence. Pas vous? Fantômes et spectres. Il y a toujours un moment où il faut se les coltiner. Toi, t'es habituée, Rosette, non? Demain, c'est moi qui vais parler en premier. Je ne vais pas parler des parents. Heureusement, ils ne sont plus là. Il aurait fallu en plus les gérer, eux. Ça, non. Le cauchemar que ça aurait été, redoublé. Il n'y avait plus que nous deux. Et maintenant, il n'y a plus que moi. C'est peut-être pour cette raison que je m'accrochais au miroir, pour être sûre d'encore exister. Je ne sais pas par quoi commencer. L'essentiel, c'est de commencer, non ? C'est d'une telle injustice et si incompréhensible. Pas de maladie, pas d'accident, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Je suis sous le choc. Péné m'a trouvée dans la salle de bain, chez nous. Je ne bougeais plus, je ne parlais plus. Je me regardais dans le miroir comme si je m'étais électrocutée à mon image. Pour me décrocher, elle a mis du temps. Elle a pris du temps, parce qu'on ne pouvait pas m'arracher comme ça. Ça aurait été, je sais pas, dangereux peut-être. JP qui appelait toutes les 15 secondes, on entendait la sonnerie, on ne répondait pas, on laissait sonner. Mais on avait entendu le premier message sur le répondeur. Et maintenant il fallait y aller. Y aller. Y aller. J'ai trouvé ce texte-là. Vous me direz ce que vous en pensez. Cette citation, je pense qu'elle aimerait. De Chaulieu au marquis de Lafare, 1708. Illustres inconnus. Comme ça, je suis bien sûre que personne ne dirait la même chose que moi. Tout meurt en nous quand nous mourrons. La mort ne laisse rien et n'est rien elle-même. Du peu de temps que nous durons, ce n'est que le moment extrême. Comme elle nous a tout donné, elle aussi reprend tout notre être. Le malheur de mourir égale l'heure de naître. Et l'homme meurt entier, comme entier il est né. La mort, sans souffrir de partage, qu'au fond l'âme et le corps, et leur fait même outrage. Elle rassemble quelques affaires à remporter, se ravise, ne prend rien et rentre rapidement dans la maison, en chantonnant la voix brisée « I'll fly away ». Les autres convives échangent entre eux à voix basse. L'ombre de Maddy, tendant les bras comme si elle cherchait à la retenir, vient se mettre à sa place, à la table, et dit. Léo n'a pas d'âge. Elle est une femme sans âge. On ne sait pas si elle a 17 ou 42 ans. Elle s'habille toujours de la même façon, une salopette et un haut de couleur, jaune ou rouge essentiellement. Quelquefois bleu, mais c'est rare. On se demande ce qu'il va se passer ou ce qu'il s'est passé pour qu'elle mette un t-shirt bleu. Ce n'est pas bon signe. C'est bon signe. On ne sait pas. On se demande. Bleu, c'est la couleur du rêve. Léo. Éléonore. C'est ma grande petite sœur. Jessie et Léo ressortent de la maison. Elles s'arrêtent, se parlent, puis reprennent leur marche jusqu'à leur place. Ça va ? Non, ça va pas. Mais comment ? Comment on va faire maintenant ? On va faire. On ne saura pas comment. On apprendra les uns des autres, on s'aidera. Oui, on s'aidera. On s'aidera. Tu crois que c'est possible ? Oui. C'est vrai qu'elle aimait Elle Fly Away ? Bah, c'est une chanson qu'elle chantait avec JP à tue-tête. Au début qu'ils étaient ensemble, avant que Rosette ne montre le bout de son nez. Elle la chantait avec moi aussi. Ça faisait comme une berceuse. Ça nous faisait une berceuse. Elle ne l'avait pas dit. Elle ne l'avait pas raconté. Il y a tant d'autres choses qu'elle ne t'avait pas racontées. On ne peut pas tout dire. Écoute, on est tous bousculés. JP a des défauts, c'est vrai, mais il fait ce qu'il peut à la vitesse où les choses doivent être faites. Et c'est dur. C'est lui qui a géré toute l'organisation des funérailles. C'est lui qui a découvert Maddy inanimée. C'est pas le moment d'en rajouter, Jessie. Vraiment pas le moment. Je suis troisième, alors ? Non, quatrième. Il y aura Rosette avant, après moi, et puis JP. On ne fait pas la course, Jessie, à celui qui aimait le plus Maddy. Ce n'est pas ça qui se passe, vraiment pas. Ah, je suis perdue, je crois. J'en veux à la terre entière. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme si j'en voulais à JP. On cherche un responsable. Mais pourquoi ? Il n'y en a pas. Ou alors, on l'est tous. Parce qu'on a de la peine, on a du mal à faire face, on est bouleversé, on est... Abattu. Laminé. Effondré. Par terre. En deuil. Elle demeure silencieuse un moment. Jessie embrasse Léo. Rosette, sortant pour de bon de la maison, les enlace. Toutes s'assoient. L'ombre de Maddy s'éclipse de la chaise de Léo avant que celle-ci ne s'assoie, se dirige vers l'extrémité de la table où est assis JP, qui se lève, et va s'asseoir à sa place de départ en attrapant une bouteille au passage. Et elle dit : JP aime mettre des chaussettes dépareillées. C'est le seul moyen qu'il a trouvé pour exprimer sa fantaisie dans un métier qui n'en a aucune. Quand il ne travaille pas, il se lève tôt, déjeune, puis se recouche pour lire ou redormir un moment. Dans la vie que JP rêve dans sa tête, il est musicien, pianiste de cabaret, guitariste de bossa, violoniste de musique yiddish. Il fait des tournées, dort dans des chambres d'hôtel, ramène chaque soir une femme différente dans son lit. Il m'a séduit en m'écrivant tous les jours une lettre qu'il déposait dans des cachettes sur notre trajet à l'université. Cela a duré au moins 15 jours. À la 15e lettre, j'ai accepté de le rencontrer dans un café. On avait 20 ans. Le jeu de piste m'avait plu. Je m'étais dit que ce jeune homme savait faire de la vie quotidienne une aventure, alors pourquoi pas ? J'ai rangé toutes les lettres dans une boîte en carton. Et j'ai rangé ma vie avec lui, dans une boîte en béton, jusqu'à ce que je l'en fasse sortir. Vous savez où j'habite, en fait. Ma vraie adresse, c'est en Lacrimacie qu'elle est. Encore une tyrannie qui ne dit pas son nom. Dès le matin, elle vous prend à la gorge et ne vous lâche plus jusqu'à ce que le soir laisse place au désert. Toute la journée, vous devez rendre à travers vos yeux les eaux qui se sont accumulées pendant la nuit, jusqu'à la moindre goutte, rendre son eau à la nuit. Voilà le travail du jour. C'est simple, je n'ai plus un mouchoir sec. Je suis passé aux manches de chemise. L'orage ne tombera pas. Écoutez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui. Il s'éloigne. Une montagne. Pas mal dit, vraiment. C'est au chapitre 12 du deuxième livre des essais. 1500, combien? Oui, 80. 1580, ça fait quoi? 450 ans, quelque chose comme ça. Toute humaine nature est toujours au milieu entre le naître et le mourir, ne bâillant de soi qu'une obscure apparence et ombre et une incertaine et débile opinion. Vous vous souvenez la manière qu'elle avait de remonter ses cheveux en haut de son crâne? Elle enroulait un de ses doigts dans la grosse mèche rassemblée, faisait mine de l'accrocher en haut de la tête et la cascade fractale se déroulait d'un coup, se répandait de chaque côté du visage. Il y a un artiste japonais qui a inventé quelque chose pour célébrer d'une autre manière nos au revoir. Tout en haut d'une falaise face à la mer, il a fait installer une cabine téléphonique où l'on peut maugréer, tempêter, saluer et dire, coller son oreille au combiné. J'entends ton souffle. C'est ton souffle que j'entends. Faible murmure, ma douce, mon ami, ma camarade. L'ombre de Maddy se lève, puis se rassoit brutalement, sans un bruit. Ton souffle, oui. Ta belle respiration à mon oreille. Et j'aimerais te voir, te prendre dans mes bras. Ça fait... Et ça continue. Et maintenant, c'est à moi de te parler, de te dire quelque chose. C'est à moi de te dire les mots, les derniers, les mots avant que j'oublie, avant que je ne tombe dans l'oubli, dans le grand trou de l'oubli, quand ta voix ne sera plus qu'un souvenir impossible à convoquer, tes cheveux une parure de fougère de soie, je te dirai dans un moment suspendu. N'ajoute pas de la nuit à la nuit. N'éteins pas toutes les lumières. Laisse briller une lampe, la petite, près de l'entrée. On a assez d'ombre pour deux. N'ajoute pas de la nuit à la nuit. N'éteins pas toutes les lumières. Laisse venir la lueur, celle du fond des yeux. On a assez de mystère pour nous. Pour nous deux, n'ajoute pas de la nuit à la nuit. N'éteins pas tous les feux. Laisse monter la chaleur, celle au fond des yeux. On a assez de vie pour deux. Il boit. On entend... Armand change de place et va s'asseoir plus près de JP. Penné le rejoint. Jessie rentre dans la maison. Deuxième épisode de Je n'en ai pas fini ma baladeuse avec la mort. Thriller de l'intime de Juliette Pargès. Enregistré le 15 décembre 2024 au Choc Théâtre à Saint-Étienne par Mohan Besson avec Alain Besset dans le rôle de JP, Dominique Chenet dans le rôle de Jessie, Sabrina Laure dans le rôle de Léo, Juliette Pargès dans le rôle de Penné, Yann Mercier dans le rôle d'Armand, Maude Thérillon dans le rôle de Rosette, Émilie Weiss dans le rôle de Maddy, Didascalie, Juliette Pargès. Mixage, Mohan Besson et Juliette Pargès. Musique, Mumbling Tom, extrait du morceau Wave Goodbye. On vous balade, on vous éclaire, on vous caresse le cerveau et le cœur. Vous écoutez Les Baladeuses. Alors c'est toujours Les Baladeuses, on est toujours en compagnie de Julie. Ça va Julie? Ah, c'est pas le bon micro. Tout va bien, Jessie. C'est super. Ça va Julie? Tout va bien. Tu vas bien? Bon, alors, on est tous sur le thème du carnaval. Et le carnaval, imaginez l'île du Moutier. Je vais vous parler de l'île du Moutier. Je vais vous parler de Chalon-sur-Saône. Chalon-sur-Saône qui a un petit carnaval, mais aussi pas que... Aussi l'île du Moutier. Sur l'île du Moutier qui se situe sur la Saône, à hauteur de Saint-Marcel, vit le roi Cabache et la reine Moutelle. Tous les ans, à la fin du Mardi Gras, ils ressortent, ils reviennent, ils reprennent les clés de la ville et une foule de goguenards prend la cité pour bagnauder et faire les blagues et mettre en joie toute la ville. C'est l'esprit du carnaval, un esprit où en fait la vie, la mort, le bien et le mal se confondent, s'expriment à travers des personnages. On retrouve ça aussi en Guyane, on retrouve ça un peu partout dans le monde. Ça n'a rien à voir avec les carnavals de Rio, etc., qui sont des carnavals institués, des sortes de parades militaires, avec certes une sorte de danse et d'expression culturelle, mais... tellement, on va dire, institutionnalisé que ça perd sa forme du carnaval. Il faut savoir que le carnaval, ça revient au Moyen-Âge, à un monde où on pouvait à la fois vivre dans l'outrance, les temps de carnaval étaient extrêmement longs. Comme disait Juliette tout à l'heure avec Bactine, ils pouvaient durer des mois. Le carnaval, par exemple, il y a le carnaval de Guyane, à l'époque, à ses débuts, c'était pendant 6 week-ends. 6 week-ends, les touloulous sortaient dans la rue. Les touloulous, alors c'était tout un rituel de se sortir dans la rue. Il fallait se masquer, se déguiser, il fallait devenir méconnaissable. Parce qu'avec cet anonymat, ça permet de relâcher et de dire, de se dépersonnifier et de dire et d'exprimer tout ce qu'on ne peut pas dire normalement dans la société à cause des règles, etc. Et dans tous les carnavals, il y a ça. Et peut-être qu'ici, à Saint-Étienne, au fond des mines, le Miladzeu est là en train de se frotter les mains, prêt à ressortir, ou peut-être du haut des rochers du Pila ou de la fontaine du Furan dans les sources, vivent encore ces forces obscures et malines qui peuvent sortir masquées dans la rue et semer un beau désordre. Le carnaval, malgré tout aussi, c'est quand même aussi le retour à l'ordre à la fin du carnaval. C'est aussi l'acceptation du carnaval et donc de cette chose. Mais j'espère qu'un jour on verra sortir, je ne sais pas, quel personnage étrange et qui prendront les rues de Saint-Étienne. Alors, retour à l'ordre. Alors, c'est la fin de... Comment ça ? Ah oui, c'est la fin des baladeuses. C'est la fin des baladeuses. On va ramener un peu d'ordre. On finit mal. Je ne t'entends pas. Moi, je m'entends. Ah oui, mais je ne t'entends pas parce que je n'ai pas mon casque. C'est normal, j'entends derrière. On va se donner rendez-vous pour notre prochaine émission le 26 mars. De 10h à 11h30, et cette fois-ci, promis, le monde sera plus en ordre pour nous ce jour-là. Ouais. Et alors, le programme de mars, ça va être le grand ménage, le grand nettoyage de printemps. On fera ça, on se promènera dans les jardins avec les semis auprès d'Emily Dickinson. On vous parlera d'Irène Terry. On inventera des danses radio guidées, peut-être avec vos ballets. Ou votre aspirateur. Tout plein d'autres choses aussi qui arriveront. Le grand ménage à trois, par exemple, et d'autres choses de ce genre. Et puis les invités, ceux qui seront présents et ceux qui seront absents, comme toujours d'habitude. Les absents, comme d'habitude, puisque on n'est toujours pas très bien là quand on est là. Et puis le troisième épisode de la danse, de notre feuilleton radiophonique, Je n'en ai pas fini avec la mort. Merci de vous être accrochés aujourd'hui dans notre monde renversé et nous allons rendre l'antenne. Merci à toi Julie d'être venue, merci à Juliette, merci à vous de nous avoir écoutés. Vous êtes bien sûr Radio Dio 895, je vais essayer de rendre l'antenne normalement si j'y arrive et au mois prochain. At Attention, attention, nous arrivons en gare des baladeuses de 10h à 11h30, le quatrième mercredi du mois sur Radio Dio 89.5. Veuillez prendre garde de ne rien avoir oublié dans le train avant de descendre. Prenez garde à la marche en descendant. We'll just say where we are, then go back to the car. We don't want to be any worry. Well, you got caught with a flat world. How about that? Well, babies, don't you panic. By the light of the night, it'll all seem all right. I'll get you a...